بزرگ قیافه. Et pourquoi qu'ils sont pas là, les petits enfants ? Et pourquoi qu'ils sont pas là, les petits enfants, hein ? Eh ben, peut-être parce qu'il est 21h et que 21h, c'est tard pour les petits enfants. Mais non, c'est pas tard pour les petits enfants. Allez, allez réveiller vos petits chérubins, là, dans leur chambre, et allumez la radio, faites-leur écouter, parce que c'est vraiment autre chose. On est jeudi soir. Vraiment autre chose, la petite émission musicale d'obédience progressive. Et si vous entendez derrière ce magnifique mix entre le grand méchant cochon et les tartes aux pommes, eh bien, c'est parce que vous écoutez notre hors-série Au pied de la lettre, tentative d'exploration de la Nurse with Wound List. Une brève remise en contexte. Donc, la Nurse with Wound List, elle fait son apparition en 1978 dans le premier album du groupe Nurse with Wound. Et le groupe Nurse with Wound, en mettant cette liste, publie, si j'ose dire, les influences majeures qui l'ont amené à devenir un groupe de musique. Car en effet, Steve Stapleton et John Fokker Hill, les deux des trois musiciens, proclament ne pas être musiciens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être musicien pour savoir jouer de la musique. Il suffit de savoir écouter. Et de là, ce sont des gens qui ont beaucoup, beaucoup écouté, sont des grands collectionneurs de disques, et leur grand délire, c'était d'aller chez les disquaires dès qu'il y avait un nouveau disquaire. Bonjour, est-ce que vous avez quelque chose de bizarre, d'étrange ? Alors, des fois, c'était juste la pochette qui était étrange, mais le plus souvent, c'était la musique qui était étrange. Et dans les deux premiers albums qu'ils ont sortis avec le nom donc Nurse with Wound, ils ont publié 292 noms de groupes et de musiciens et de musiciennes qui les avaient influencés pour devenir à leur tour musiciens. Voilà, c'est ça la Nurse with Wound List. Ça aurait pu rester juste un bête feuillet dans un disque obscur, mais je ne saurais vous dire pourquoi, magie, mais cette liste, elle est devenue très très très très célèbre, et beaucoup d'amateurs et d'amatrices de musique expérimentale se sont dit, ah mais tiens, ça c'est une porte, c'est quoi, il faut qu'on connaisse tout. Et de là, bon, il y a énormément d'anecdotes. Nico nous racontait une fois les musiciens, je crois, de Sonic Youth qui viennent à Paris, qui veulent rencontrer Jean-Jacques Birger parce qu'il est dans la Nurse with Wound List, et de plus en plus de gens s'intéressent à cette Nurse with Wound List, ce qui fait qu'en fait, il y a des chez les disquaires, commence à y avoir des rayons spécial Nurse with Wound List. Certains labels rééditent les albums, et voilà que certains groupes complètement, et musiciens et musiciennes complètement obscurs des années 60-70 qui seraient tombés dans l'oubli, mais grâce à cette liste, ont eu une deuxième vie. Dans cette liste, il y a des choses extrêmement connues. Je vous citais Magma, Frank Zappa, King Crimson, par exemple, et il y a surtout énormément de groupes obscurs dont on n'aurait jamais entendu parler grâce à cette liste. La BBC a consacré une émission de 4h30 à cette liste. Nous, à Radio Radio, nous avons décidé de consacrer 50 émissions de 3h. C'est un brin plus long, et celle que vous écoutez est la 23e du nom, donc 23e tentative d'exploration radiophonique de la Nurse with Wound List, que j'ai le plaisir de vous présenter, non pas tout seul, mais en binôme avec le camarade Nico depuis l'Outre-Quivrain. Bonsoir Nico. Bonsoir Manu, bonjour, bonsoir tous les francophones en France. Oh, du reste, la musique est internationale, même si vous ne comprenez pas un mot de ce qu'on raconte. Bon, certes, on va beaucoup parler. Vous pouvez quand même rester à l'antenne pour écouter le doux son des musiques qu'on va vous présenter. La semaine dernière, on en finissait avec la lettre H, notamment avec un grand format autour de Henry Cow, qui était le fil rouge de l'émission. Et maintenant, nous attaquons donc la lettre I. Nous voilà à nouveau, comme le veut le titre de cette émission, au pied de la lettre. Et cette lettre I, eh bien, je vais démarrer l'émission en vous présentant un groupe qui n'est pas vraiment un groupe, qui est presque un grand ensemble, qui est une communauté de musiciens, qui s'appelle L'Infonie. Est-ce que tu connais, Nico, L'Infonie ? Non, justement de nom, mais c'est tout. Eh ben, écoute, c'est dommage. Moi aussi, je les connaissais même pas de nom, et je me suis plongé là-dessus. Et le moins ce qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des choses très, très, très, très belles et très intéressantes à se mettre dans les oreilles avec L'Infonie. On a beaucoup parlé, donc je propose qu'on se dise, OK, là, on fait une petite pause musicale et on écoute un morceau. Et justement, le morceau qu'on va écouter est tiré du premier album de L'Infonie qui sort en 69. L'album s'appelle Volume 3. Et ce morceau, il sort en jingle, voilà, en 45 tours. Voilà, c'était un peu le morceau dansant, le morceau tout public de l'album. Vous allez voir, en termes de tout public, on a vu mieux. Enfin, on a vu plus tout public. Mais en tout cas, un excellent morceau qui s'appelle « Viens danser le hockey là », d'où ma phrase de tout à l'heure. Donc, on va s'écouter ça de suite. Et ensuite, je vous parle un petit peu plus de l'infonie. Hey ! Hey, mon là ! Gomoui ! Viens ici ! Gomoui ! Ok là, et ben voilà, c'était l'infonie, donc viens danser le ok là, ça vous met bien dans l'ambiance un peu de ce groupe, ce morceau qui était un fois je trouve un petit peu crowd rock, un petit peu planant, mais tout de même ces petits cris énigmatiques, enfin c'est du planant bizarre quoi, voilà, ça représente bien l'infonie, en tout cas ça représente un des titres de l'infonie, parce que vous allez le voir, vraiment c'est le son de ces Québécois est varié. Il s'agit de Québécois, alors c'est un groupe qui est né en 1967 dans le sillage de l'exposition universelle 67 qui se tenait au Québec et qui a été une matrice à foisonnement culturel, voilà, dans la belle province. Et donc dans les dans les projets culturels qui sont nés de cette expo, de cette matrice, eh bien, il y avait Infonie. L'infonie, I-N-F-O-N-I-E. Infonie, c'est comme ça qu'ils apparaissent dans la liste, mais on dit l'infonie. Et qu'est-ce que c'est que l'infonie ? C'est un espèce de grand ensemble à géométrie variable qui présente des spectacles qui allient la musique improvisée ou composée avec la poésie, la danse, le mime, les arts visuels. Voilà, c'est un groupe, c'est aussi une communauté. La tête pensante du projet, c'est un saxophoniste qui s'appelle Walter Boudreau. Voilà, et il s'acoquine de précieux collaborateurs, surtout le poète Raoul Duguay, c'est vraiment les deux têtes pensantes de l'infonie, Raoul Duguay et Walter Boudreau, mais aussi autour de eux deux, il y aura des membres du quatuor du Nouveau Jazz Libre du Québec, des musiciens classiques, des peintres, des dessinateurs, des conteurs, un sonorisateur, un sculpteur graveur, des mimes et même un chiropracticien qui répond au nom de Doc Sprock. Voilà, donc nous voilà avec un groupe variable d'artistes allant jusqu'à une trentaine à peu près. Voilà, donc tout ça est extrêmement réfléchi. Il y a un dogme, si j'ose dire, un dogme hippie, hein, on peut le citer comme ça, un dogme fric. On n'est pas très loin de l'univers de Frank Zappa. Et du coup, Walter Boudreau donc, s'occupe de la musique, Raoul Duguay des textes et aussi même du dogme. Il publie même un recueil qui s'appelle « Le manifeste de l'infonie » ou « Le tout art bel ». Ça, il publie en 70. Mais c'est en 69 que sort le premier album de l'infonie qui s'appelle Volume 3. Vous le verrez, le 3 est un chiffre qui a une grande importance dans l'œuvre de l'infonie. Qu'est-ce qui s'y passe ? Il s'y passe plein d'univers musicaux assez différents. Donc, c'est un album qui vous laisse un peu tout le temps en surprise et en haleine, ce qui fait vraiment plaisir. Et j'en veux pour preuve trois titres qu'on va s'écouter dès maintenant, qui sont le début de cet album et qui font partie d'une suite. Il y a une suite de 6 morceaux, si je ne m'abuse, qui s'appelle L'Affaire. On nous explique un petit peu de quoi il s'agit. Et on va s'écouter donc Ode à l'Affaire, ouverture, suivi de L'Affaire. Là, on va bien vous expliquer. Suivi d'un titre fantastique que j'adore, qui aurait pu pour moi être le 45 tours, qui s'appelle J'ai perdu 15 cents dans le nez froid d'un ange bronzé, et qui va chercher un petit peu du côté du psyché rock de Pierre-Henri avec Délices. Et voilà, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance donc de cette infonie, de cet énorme ensemble de musique, de pensée et de vie québécois. Donc on est en 1969 et c'est parti donc pour les 3 morceaux qui ouvrent l'album Volume 3. Thank you. a mis sur la terre. C'est l'affaire qui nous a mis sur la terre. Pouvez-vous voir l'affaire? Non, parce que l'affaire n'a pas de corps. Qu'est-ce donc l'affaire? L'affaire est une seule affaire. Qui a fait l'affaire? Personne. L'affaire a toujours été l'affaire. L'affaire nous voit-elle? Oui, l'affaire nous voit toujours. L'affaire connaît-elle tout? Oui, l'affaire connaît tout. Où est l'affaire? L'affaire est partout. Combien y a-t-il d'affaires? Il n'y a qu'une seule affaire. Combien y a-t-il d'affaires dans l'affaire? Il y a trois affaires dans l'affaire. Quelles sont les trois affaires dans l'affaire? Les trois affaires dans l'affaire sont l'affaire et l'affaire. Les trois affaires font-elles trois affaires? Non! Les trois affaires ne font qu'une seule affaire. Pouvez-vous comprendre que ces trois affaires dans l'affaire ne fassent qu'une seule affaire? Oui! Joue! Vous êtes toujours sur Radio Radio et on vient d'écouter « J'ai perdu 15 cents dans le nez froid d'un ange bronzé ». Donc c'était l'Infonie et tiré de l'album volume 3. Camarade Nico, qu'as-tu pensé de tout ça? C'est compliqué de le dire. Parce que j'ai rien entendu. Ah non, mais tu vends le pot aux roses. Bon, allez, on vous doit la vérité, cher ami auditeur, chère amie auditrice. Cette émission, on l'avait faite en direct. Elle était magnifique. Elle était entièrement non enregistrée. Nous sommes en train de la réenregistrer. Et donc, on ne réécoute pas les morceaux. Mais si tu te souviens, peut-être, Nico, de ce morceau qui ressemblait quand même pas mal à Psyché Rock de Pierre Harry. Ça, je me souviens un peu encore que c'était. Parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas le titre de Pierre Henry. Donc. Au moment que j'écoutais le morceau-là, je disais « Oh, c'est le Psyché Rock de Pierre Henry, tout à fait. » Donc, c'est un super, super chouette morceau. Bah, tout cet album est vraiment super chouette. Donc, il y a cette longue suite qui s'appelle « L'affaire ». Vous avez entendu le morceau 2 aussi. C'est quoi l'affaire? Combien y a-t-il d'affaires dans l'affaire? Il y a 3 affaires dans l'affaire, encore ce chiffre 3. Et toute cette poésie, elle est déroulée au fur et à mesure d'un album qui tient tout le temps en haleine. Il y a quelques moments un peu dispensables, je trouve, de reprise de citations un petit peu trop proches de Bach ou du boléro de Ravel, mais voilà, quand ils vont pas chercher du côté de la musique classique ou en tout cas de la reprise, c'est vraiment un groupe qui décèle plein de surprises. Il y a une reprise d'un standard brésilien qui clôt l'album, La Desafinado, que je vous recommande particulièrement. Je pouvais pas passer tout l'album, mais voilà, c'est vraiment très très riche. Et aussi un des trucs qui caractérise l'Infonie, et ça s'entendra beaucoup plus tard, c'est justement le fait d'allier leur free jazz, leur musique freak, leur musique psyché à des instruments, à des musiciens venant de la musique classique. Et par là, ce sera peut-être un petit peu les précurseurs de ce qu'on aura appelé plus tard le mouvement Rock in Opposition, justement, d'aller faire le rock et le jazz aussi avec des éléments venus du classique. Bon, alors Infonie publie le volume 3, on est en 1969, et en 1971, ils publient leur deuxième album qui s'appelle directement volume 33. Vous voyez toujours ce côté important de la Trinité. Volume 33, Le Mantra. Et il s'appelle Le Mantra parce que c'est le nom de la pièce principale, qui est d'ailleurs la seule pièce de cet album, et qui est une adaptation du Insi de Terry Riley. Très très belle adaptation. Moi qui suis assez fan du Insi de Terry Riley, vous avez pu entendre sur Radio en direct le collectif Freddy Morrison nous proposer sa version. Là, on est à une version qui s'éloigne un petit peu de l'original, puisque déjà il y a une batterie, guitare et basse qui tiennent la clave là où c'est un piano qui tient la clave dans la version originale. Donc il fait ti-ti-ti-ti tout le temps qui donne le rythme. Et après, toujours le principe de ces 43 modules que chaque musicien ou musicienne peut décider de passer au deuxième ou au troisième quand il veut. Il faut juste respecter l'ordre, ce qui donne cette impression de son qui tournoie et d'être tout le temps avec des sons qui se répondent les uns aux autres. Bon, Terry Riley était très très inspiré de la musique traditionnelle indienne pour composer cette pièce. 45 minutes, je vais vous l'épargner, mais sincèrement, l'écoute de ce volume 33, Le Mantra, ça vaut le coup d'oreille. Si vous aimez comme moi Terry Riley, c'est vraiment une version hyper intéressante qui a un petit côté jazz fusion. Voilà, donc je recommande particulièrement, mais je m'arrêterai pas dessus. Mais pareil, tout ça, vous pouvez l'écouter. Il y a des gens qui l'ont mis sur YouTube ou ça se télécharge à des endroits. Voilà, n'hésitez pas à creuser plus avant le premier album, donc volume 3, et le volume 33. Moi, je vais m'arrêter en 1972 sur le volume 333, qui là est un peu leur pièce maîtresse. En tout cas, c'est l'album qui aura le plus marqué de l'Infonie, qui aura été moult réédité. Et dans cet album, volume 333, il y a deux disques. Le deuxième disque, complètement dispensable, on retrouve ce dont je vous parlais tout à l'heure, des reprises et des adaptations principalement de Jean-Sébastien Bach. C'est pas que la musique de Bach soit pas intéressante, mais là, il la joue de façon très polie, donc on retrouve pas tellement l'inventivité. Et du reste, cet album, ouais, il est effectivement, il y a un côté concept album avec des sons qui reviennent, qui est assez intéressant. Moi, je lui préfère quand même le volume 3, que je trouve plus varié, mais dans ce volume 333, il y a quand même un gros effort de qualité sonore. Là, il n'y a rien à dire à ce niveau-là, c'est moins frics que ce que vous avez entendu tout à l'heure. Et donc, c'est une pièce qui s'appelle P, qu'écrit Raoul Duguay. Première interprétation de P sur scène, Raoul Duguay chante ses textes comme une litanie, tandis que le reste du groupe improvise une atmosphère modale dépourvue de forme et de développement. J'aurais bien voulu entendre ça, mais c'est pas ça qui va rester dans l'album, parce que Walter Boudreau décidera de composer une musique spéciale pour cette suite, une musique hyper travaillée qu'il aura divisée en 50 parties, encore plus que Terry Riley, 50 parties plus le prélude d'ailleurs, afin de permettre forme et développement, tout en permettant à des endroits des improvisations parmi le groupe, et se rapprochant par là du Lumpy Gravy de Frank Zappa. En gros, pour vous présenter la chose, pour la présenter mieux, bah autant laisser parler la musique. Donc on va s'écouter le titre qui ouvre cet album, titre dont j'ai oublié le nom, je vous le dirai tout à l'heure. Pour l'instant, on s'écoute ça, donc le premier titre de l'album volume 333 et la première pièce, si j'ose dire, de P, la longue suite qui ouvre cet album de l'Infonie. On est en 1971. Allô tout le monde. Voici l'espace et c'est ma chair, voici le temps et c'est mon sang, voici la terre et c'est mon corps. Regarde d'où tu viens, écoute qui tu es, regarde où tu vas, écoute ton chemin. Pour l'amour de l'amour, aime-toi tous les jours. Pour l'amour de l'amour, aime-toi sans détour, mon âme. Écoute avec ton cœur. Voilà, vous venez d'écouter le premier titre qui ouvre donc l'album volume 333. Je ne retrouvais pas le titre tout à l'heure, mais c'est tout à fait logique parce qu'en fait, il n'y a pas de titre. Ce qu'on a écouté, en fait, ce sont les sections de 1 à 17. Voilà, je vous ai dit, il y a 50 sections. Voilà, ça vous donne une bonne couleur donc, de cet album qui, pour moi, est une espèce de suite logique. Enfin, je trouve dans les sons et dans les sonorités, ça me rappelle beaucoup le tout premier album de Magma, Kobaya. Et voilà, c'est vraiment un album extrêmement recommandable. Que dire de plus, que ce sera comme souvent avec des groupes quand ils sortent leur album le plus reconnu et le plus et celui qui aura le plus d'écho, le groupe se disloque du guet par sous peu pour entamer une carrière en solo comme poète, écrivain et même quelques années plus tard comme auteur, compositeur, interprète musical. Quant à Walter Boudreau, lui, il rumine dans sa tête, mine de rien, paix, c'était bien, mais qualité sonore était pas top. Et il choisit donc de réenregistrer P avec l'aide de la société Radio-Canada. Et du coup, c'est une autre version de P sans le texte, hein, puisque Duguay a quitté le groupe depuis un moment. Et c'est ça qui sera le dernier album de l'Infonie, donc le volume 3333. Voilà, si vous suivez, il y a toujours des 3. Et c'est P, voilà, mais sans les textes. Bon, il était très content de faire ça. Bon, j'y ai jeté une oreille, j'ai pas trouvé que ça apportait grand-chose. Donc moi, je vous recommande, si vous appréciez les sons de l'Infonie, de vous jeter sur le volume 3, de jeter une oreille curieuse à leur version de Terry Riley, le volume 33. Et le premier disque du volume 333 est aussi très très bien. Voilà pour l'Infonie qui disparaîtra en 1974. Grand merci à Steve Stapleton et John Forrest Hill de laisser de telles choses arriver à nos oreilles de nos jours. C'est un plaisir. Camarade Nico, j'ai beaucoup parlé, je te cède la parole. Oui, maintenant on va y aller vers la Suède. On va découvrir un peu l'Iskra. L'Iskra, littéralement l'étincelle, est un journal révolutionnaire marxiste du début du XXe siècle en Russie. C'était l'organe du POSDR, un parti ouvrier social-démocrate de la Russie. Il fut publié pendant 3 ans à partir de 1900 sous la direction de Lénine, Martov et de Plekhanov. Son but était le rassemblement de différents courants de mouvements ouvriers en Russie et la formation d'une plateforme commune. Mais il ne faut pas se tromper parce que Iskra, ce n'est pas ce mouvement qu'on va faire. On va y aller vers le Suède pour le groupe de musique plutôt orienté vers la musique de free jazz. Il s'était commencé en 1975. Ils ont sorti à ce moment-là un album qui s'appelait Jazz i Svergi. C'est un peu vraiment dans le free jazz. C'est intéressant. Mais 2 ans après, ils ont commencé de trouver leur propre vocabulaire et qui est beaucoup plus intéressant. Ils ont à ce moment-là sorti un deuxième album qui s'appelle Altermansrat. Et c'est vraiment à mon avis, un des albums qui est aussi un peu le guide pour Stephen Stapleton, parce que plein de choses qu'on entend dans cet album-là, on le reconnaît après aussi dans des œuvres de North Sweet Wound dans les années 80 et après. Je ne pense pas que je vais trop dire, mais on va quand même écouter 2 morceaux de cet album-là. Et donc le premier morceau s'appelle Der Enzyme Cyclisten, donc c'est un titre en allemand, mais donc le cycliste, fou. Un cycliste, comment dit-on en français, Einzheimer, quelqu'un qui est tout seul, donc un cycliste tout seul. Solitaire. Excusez-moi. Solitaire. Oui, voilà, tout à fait. Et donc le deuxième morceau, ça s'appelle Wettkraft, donc c'est maintenant les 2 morceaux de Iskra qu'on va écouter de cet album-là de Allemansrat qui est sorti en 77. Yeah. Thank you. Vous êtes toujours sur Radio et nous venons d'écouter, donc de découvrir le groupe Iskra. On est en Suède. Pourquoi on a écouté Iskra ? Parce qu'ils font partie de la Nurse with Wound List et que nous l'explorons depuis 22 émissions. C'est la 23e. Nous l'explorons afin de découvrir un peu tous les groupes qui en faisaient partie. Toutes nos émissions précédentes, d'ailleurs, vous pouvez les écouter sur le blog de Vraiment Autre Chose ou sur le Mixcloud de Vraiment Autre Chose ou le Mixcloud de Radio Radio. Il y a plein de biais pour vous enrichir les oreilles comme on vient de se les enrichir avec ce fabuleux groupe suédois. Je suis sur le charme, camarade. J'ai envie de te dire, j'avais jeté une oreille moi à Iskra, mais juste à l'album précédent, la Jazz Isverige, ou Sverige, et je m'étais dit, bon, ouais, sympa, un petit groupe de free jazz. Là, j'avoue, ce que tu nous envoies, c'est cool que tu aies été chercher un petit peu plus loin et que tu aies écouté un autre album, parce que celui-là, là, j'avoue, c'est un son, ouais, qui est, pour le coup, le free jazz, bon, c'est un énième groupe de free jazz. Là, non, pour le coup, il y a une identité très propre, très proche. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Et donc, c'est juste bon, 4 personnes qui ont créé ce groupe, formation-là. Et c'est toujours des noms super chouettes à prononcer parce que c'est en suédois. Et comme tu connais déjà mon manière de prononcer la langue suédoise, donc c'est Tumo Apala, qui est le contrebassiste trompettiste qui joue aussi le ocarina et la kalimba et le zurna, des instruments que je pense que Manu connaît tellement bien. Ah, ça. Il y a aussi Arvid Ugla, qui joue aussi le contrebasse, le tuba, aussi le zurna et la batterie. Il y a Zune Spangberg, qui joue le batterie, le conga, les cloches du vache. Et il y a aussi Jürgen Adolfsson, qui joue le saxo, qui joue la flûte, le vibraphone, la batterie, le zurna. Et pour cet album-là, ils ont aussi demandé à une personne extérieure de s'accompagner comme cinquième membre, Alan Olson, qui joue le baryton de sax, le hobo et la flûte. Et on va maintenant encore écouter 2 morceaux de cet album-là, parce que je pense qu'il faut... Il y a une dizaine de morceaux en total sur cet album-là. Je pense que si vous avez l'occasion d'écouter les 10 morceaux, faites-le, parce que ça fait vraiment la peine de le faire. Et on va écouter maintenant 2 morceaux, un qui s'appelle Grottsymphonin, et le deuxième morceau qu'on va écouter, c'est Enzil Vadrat. Ouais, c'est super en suédois de prononcer tout ça. Donc c'est Iskra. Thank you.

Waouh, effectivement, ça vaut carrément le coup d'écouter tout ça. Merci beaucoup, Nico. Bah, plutôt, merci beaucoup à Stephen Stapleton pour laisser nous découvrir tout ça. Je suis un peu curieux, puis ça va me faire ma transition vers le groupe dont je vais vous parler maintenant. Mais en dehors, j'imagine que ce n'est pas innocent d'avoir pris comme nom Iskrak, et donc tu me disais un journal du Parti communiste au début du 20e siècle. Est-ce qu'en dehors de ça, il y a quelque chose de politique qui ressort, soit dans les titres, soit dans les pochettes de l'album, ou pas du tout? Ou t'en sais rien parce qu'en fait, tu ne comprends pas le suédois? Ben voilà. J'avoue, j'avais la réponse. Mais une chose que je trouve quand même un peu fascinant aussi, c'est que parce qu'il y a des titres qui sont suédois, mais il y a aussi des titres qui sont en allemand. Donc, est-ce qu'il y a aussi un lien entre ça et le communisme? Je ne sais pas. Ah, il faudrait creuser. Mais j'ai peut-être quelques éléments de réponse dans la présentation que je vais faire à présent. Moi, je vais vous parler aussi d'un groupe suédois. Tu vois, du coup, on va limiter le bilan carbone. On va rester en Suède. C'est assez rare, d'ailleurs, que deux groupes de la même nationalité, surtout qui ne sont pas allemands, se retrouvent côte à côte dans la Nurse with One List. Mais le groupe dont je vais vous parler maintenant s'appelle International Averster. Enfin... Il a porté beaucoup de noms, mais c'est sous ce nom-là qu'il apparaît dans la Nurse with Wound List. C'est le projet d'un musicien. Alors, attends, je retrouve mes notes. Comment il s'appelle? Je vais moins galérer que toi, j'espère. Il s'appelle Bo Anders Persson. Il est guitariste et chanteur. On peut même dire qu'il joue comme personne. Ouah, voilà, pardon. Je ne suis pas sûr que ça se prononce comme ça. Bref, premier groupe, on est en 1968. Et c'est pas complètement naissant. À la base, C'est un collectif pionnier qui rend la musique libre, aussi libre que le nom de son groupe, puisqu'il change à chaque album, en gros. Ils sont issus d'un groupe de gauche qui s'appelle Mickey Markman, voilà, du milieu des années 60. Et donc, leur premier album paraît en 1967 sous le nom de Parson Sound, le son de Parson. On est sur du rock expérimental drone, très inspiré par le Velvet, notamment par Terry Riley. Décidément, il a vraiment eu un rôle important, et c'est vrai. Et du coup, on est sur cette espèce de musique un petit peu lancinante, avec un petit son folk, mais pas trop prononcé, et très très minimal, mais pas très loin du reste, sans doute, de l'album de Iskra qu'on vient d'écouter. Bon, j'ai pas écouté Parson Sound parce que je me suis contenté du groupe qui s'appelait International Averster. Et donc l'album de Parson Sound, il sort en 1967, je disais. Et donc en 68, premier album d'International Averster. Et là, donc, on quitte le drone, ou du moins, c'est plus ce qui devient prépondérant. Ce qui devient prépondérant, c'est des petits éléments dans la musique folk suédoise. Et c'est pas innocent, c'est pas uniquement un choix musical, c'est aussi un choix politique. L'idée, c'est un son, de revenir à un son national, pas en tant que nationalisme, mais en tant qu'anti-impérialisme. Voilà, de s'éloigner un petit peu de l'impérialisme américain. Et pourquoi ? Notamment parce qu'il y a une espèce d'urbanisation galopante qui arrive en Suède au milieu des années 60, et des grandes parties du centre-ville de Stockholm sont rasées pour ouvrir la voie à la nouvelle vague architecturale du futur, des gratte-ciels imposants de verre et de béton. De verre et de béton est une citation dans un des textes. Il parle justement du verre et du béton des quartiers tristes et gris. C'est donc un truc qui les obsède, c'est cette américanisation justement de Stockholm et de la Suède en général, et l'impérialisme américain. Et donc on a affaire à des gens qui sont très politiques, qui sont très communistes aussi pour le coup. Décidément, il y avait tout un mouvement, hein, comme je vous le disais. Voilà, il y a vraiment, il y a eu tout le mouvement hippie suédois, si j'ose dire, était aussi communiste, en tout cas en tant qu'il était anti-impérialisme américain. Et donc sur cet album. Et ben justement, ça s'entend. Il y a des odes, des textes qui vont dénoncer le progrès, qui vont parler du retour à la nature, à des choses importantes. Il y a ce fameux texte là où il s'agit de verre et de béton. Rock'n Report, là, c'est un des musiciens qui retourne dans un de ses vieux quartiers et qui raconte un peu ce qu'il voit. Il n'avait pas plu depuis 3 mois. Je cite, la pollution avait rendu le ciel jaune, masquant le soleil. Enfin voilà. Et pour aller jusqu'au bout de leur thématique, le groupe change de nom, donc il s'appelle plus Parson Sound, il s'appelle International Harvester, et c'est un nom, c'est tiré d'une entreprise américaine qui fabrique des machines agricoles. Donc vous voyez, encore une fois, on va dénoncer tout ce qui nous vient des États-Unis, et pour eux, je cite, c'est la mort de la culture, mort à la culture occidentale et mort à toutes sortes de frontières. Voilà, c'est là, c'est le propos. On va se l'entendre, ce propos, on va profiter un petit peu. Là, pour le coup, je vous ai choisi 5 morceaux qui suivent. C'est une des caractéristiques de cet album, qui est délicieux d'ailleurs, soit dit en passant, je vous recommande l'intégralité de l'album, il est vraiment très bon, cet album de International Harvester, et il s'appelle Sauve Got Rosemary, ce qui signifie dors bien Rosemary. Donc on est en 1968, on va s'écouter donc les titres 5, 6, 7, 8 et 9, certains morceaux extrêmement courts, 20 secondes ou 40 secondes, d'autres morceaux qui développent un petit peu plus. Donc on va s'écouter, allez, à mon tour de m'y coller camarade, on va s'écouter des musiciens qui s'appellent... Thomas Tildholm, qui est au corps et au chant. Bo Anders Persson, dont je vous parlais, qui est guitare et chant. Urban Iman est au violon. Arne Eriksson est au violoncelle. Pardon. Trobjørn Abelli est à la basse. Et Thomas Gartz est à la batterie. Voilà. Et donc, on va s'écouter les titres. The Prime Minister, Statsministern. Ho Chi Minh, vous allez voir, délicieux, Ho Chi Minh. Alors là, c'est les percussions et puis des voix féminines qui gueulent Ho Chi Minh. Voilà, c'est tout. Et ça, ça raconte déjà ce que ça raconte. Le titre suivant, je l'adore, il s'appelle It's Only Love. C'est un petit peu, tu vois, All You Need Is Love des Beatles. Bah, c'est ce qui se passe quand les acides sont redescendus. C'est délicieux. Le morceau suivant s'appelle Cloak and Army Get New. It's Getting Late Now, en anglais. Et pour finir, le dernier morceau s'appelle Till Van Ster, Out to the Left. Donc c'est parti pour une petite découverte psychédélique, communiste et anti-impérialiste avec l'International Harvester. Statsministern kan läsa, statsministern kan skriva, statsministern kan räkna, men han kan inte dansa, rocka, boga, rocka, boga, don, don, don. Thank you. C'était donc International Harvester à l'instant sur Radio Radio. Nous continuons l'exploration de la Nurse With One List. Pas de doute, vous écoutez vraiment autre chose. On a écouté donc 5 titres d'International Harvester, donc ce fabuleux It's Only Love, boum, boum. Ah, j'écouterai ça jusqu'au bout de la nuit. Album extrêmement recommandable, hein. Pareil, ça se trouve sur YouTube. Il doit y avoir un Bandcamp qui traîne ou sinon, bah, débrouillez-vous, il y a des plateformes de téléchargement. Enfin, on ne va pas vous raconter ça à la radio, mais en tout cas, ça vaut le coup de creuser, de se prendre la tête pour écouter cet album d'International Harvester qui est vraiment délicieux et qui, ma foi, je trouve, passe à merveille après le Iskra dont tu nous as gratifié tout à l'heure, camarade. Que dire de plus que c'est sympa de critiquer l'impérialisme américain, mais l'impérialisme américain, il y a une bardée d'avocats à la clé, donc très très vite, pour sortir leur album suivant, on leur demandera d'arrêter de s'appeler International Harvester, ils s'appelleront juste Harvester, ce qui veut dire moissonneur, hein, pour le coup, bon voilà, il n'y a rien à voir, monsieur, on s'appelle juste les moissonneurs. Et donc ils sortent un album suivant qui s'appelle Emats, qui est, je dirais, un petit peu plus psyché que celui-là, des morceaux un petit peu plus construits. Moi, je préfère vraiment celui-là. Et enfin, par la suite, ils changeront encore de nom. C'est le principe. C'est un groupe qui est libre et qui change de nom comme ils ont envie. Et puis voilà, et puis il ne faut pas les embêter. Et comment il s'appelle après ? J'ai noté ça quelque part, mais je ne trouve plus sur mes notes. J'aurais dû le griser. Oui, voilà, il s'appelle Trad Grass Oxtenar. Voilà, c'est la dernière formation. Arbre, herbe et pierre. Voilà ce que ça signifie. Donc, voyez, on continue à prôner le retour à la nature avec ces délicieux Suédois donc, qui répondent au doux nom de International Harvester. Voilà, l'escale en Suède est terminée. Nico, à toi pour la suite du voyage. Et donc, oui, on a déjà parlé beaucoup les dernières 23 semaines ou 22 semaines. On est au 23e épisode de Nurse with Wound List. Et on a déjà écouté beaucoup de la musique, mais très peu de musique de Nurse with Wound, le projet autour de Stephen Stapleton. Et je pense que ça fait de même de temps en temps bien d'écouter des morceaux de cette formation. Aujourd'hui, on va écouter un morceau qui était sorti en 83, c'est l'album Lady Gyllenskult, Geierstamm and I Redsburgs. Donc, c'est toujours des titres un peu compliqués de Nurse with Wound. C'est un peu comme leur musique, mais toujours super fantastique comme idée, comme prononciation, comme originalité. Et le morceau qu'on va écouter, ça s'appelle Phenomenon of Aquarium and Beer Death. Et ça vient de le label Lila Antio Records. C'est un label qui était situé à Bruxelles jusque des années 80, un label qui était un sous-label de... comment ça s'appelle ? J'ai oublié le nom de le label. C'est aussi un label bruxellois avec le disque du Crépuscule. Et donc, c'est un label qui était spécialisé dans la musique industrielle comme Coil, Nurse with Wound, Current 93... Toutes des choses comme ça, et un label fantastique, et voilà, je pense que ça reste toujours bien, et c'est grâce à ce label-là que j'ai découvert la musique de Nurse with Wound plus profond, parce qu'à l'époque, à Bruxelles, on trouvait souvent des nouveaux éditions de Nurse with Wound qui étaient super, donc voilà. Mais on va écouter donc ce morceau-là de Nurse with Wound. Thank you. Waouh. Alors là, je ne feins pas l'étonnement, hein. Je me souviens très bien comment j'ai été quand tu as passé ce morceau que j'ai découvert quand on a fait l'émission la première fois qui n'a pas été enregistrée. Là, on est en train de la réenregistrer. Mais je ne feins pas mon étonnement, c'est mortel. C'est vraiment hyper bien ce morceau. D'ailleurs, je l'ai réécouté depuis et je maintiens, c'est super. Merci beaucoup, Nico. Et effectivement, on voit un peu le rapport avec ce qu'on a pu entendre jusqu'alors ce soir. Ouais. Et ce qui est aussi un peu bizarre, c'est parce que c'est un morceau très court, qui est un peu rare pour Nursery Tune, parce qu'en général, c'est des morceaux de 10, 20, 30 minutes, mais ici, c'est un morceau de 5 minutes et quelque chose. Eh bien ouais, c'est tout proprement délicieux. Je me demandais, pendant que tu parlais tout à l'heure, du coup, je ne résiste pas à l'envie de te poser la question, parce que tu es d'une génération un petit peu précédant la mienne. Toi, cette histoire de Nurse With Wound List, c'est quelque chose que tu as découvert assez vite ou que tu as découvert au moment où on pouvait facilement par Internet tout écouter? Non, j'ai découvert assez vite. C'était assez compliqué d'être en courant à ce moment-là, mais... Un copain moi qui a me introduit aussi dans North With Wound, c'est déjà en 86, j'étais encore dans les humanités et on a eu un cours ensemble qui était le français et je déteste ça et lui aussi, mais moi j'adorais le mathématique et au moment qu'on a eu les cours ensemble, c'est lui qui a un devoir à faire. Il me montrait, j'ai dit, me donne ça. Et 5 minutes après, j'ai résolu tout ça parce que j'étais assez bon au niveau de mathématiques. Et donc, il est un peu impressionné, il me disait, est-ce que c'est juste ou pas? Il hésitait un peu, il n'était pas sûr. Mais le jour d'après, quelques jours d'après, il revient, il dit, oui, tu as eu raison, c'est la première fois que j'ai eu ce rendez-vous 10 sur 10. Et pour me remercier, il a fait un cassette de compilation de musique. D'un côté, de musique bien accessible comme Talking Heads, The Specials, des choses comme ça. Mais de l'autre côté, de musique un peu bizarre. Et donc, il y a de musique de Residents, Ronald Underlove, mais aussi de musique de Nurse With Wound. Et lui était vraiment impressionné que j'adorais ce musique-là. Il connaissait beaucoup de gens à qui il donnait des cassettes compilations, mais c'est rarement que quelqu'un réagit à ces choses-là. Beaucoup réagissaient plutôt dans les musiques plus connues, comme j'ai cité, comme Talking Heads ou Madness ou The Specials et des choses comme ça. Et la prochaine fois qu'il a eu un devoir en mathématiques, il me demandait, voilà, j'ai un nouveau devoir, est-ce que tu veux le résoudre pour moi? Et donc, je l'ai fait avec plaisir. Donc, et chaque fois, pour me remercier, il me donnait des cassettes de compilation. Et de plus en plus, il m'a enregistré de musique de Nurse With Wound. Et une fois arrivé à Bruxelles, il y a des gens qui me disaient un peu qui était Nurse With Wound et qu'ils ont parlé de ce premier album et de ce liste-là. Mais c'était pas encore joignable à l'Internet. Donc, j'ai entendu parler de cette liste-là. Je pense que 10-15 ans plus tard que j'ai découvert le vrai liste. Mais à ce moment-là, c'est aussi des albums très compliqués à trouver. Maintenant, c'est déjà beaucoup plus changé. Maintenant, on peut presque tout retrouver de ces albums. Peut-être pas toujours dans le format physique, mais en format digital, c'est beaucoup plus facile de les avoir. Ouais, carrément. Ah, c'est fou. Donc toi, c'est aussi des codes et des chiffres qui t'ont aidé à découvrir ces musiques-là, mais c'était pas ceux d'Internet. C'était ceux des devoirs de maths. Ah, c'est trop bien. Eh ben, écoute, tant qu'on y a à se raconter des trucs, moi perso, j'avais quoi? J'avais 19 ans. J'écoutais surtout du punk et un petit peu de musique un peu chelou. Disons que ce que j'écoutais au max chelou, c'était Primus. Et je bossais avec mon pote Stéphane, là, celui avec qui on a créé cette émission et qui est là de temps en temps pour m'accompagner. Et on travaillait au McDo. Et à cette époque-là, quand on faisait la fermeture, on avait le droit de mettre notre propre musique. Donc, on a amené un album de Primus et on s'est mis du Primus tranquille pour faire la fermeture, nettoyer tous les trucs et tout ce qu'il faut faire pour la procédure de fermeture du resto. Et le manager, il écoute ça, il fait ouais, c'est hyper psyché, c'est de la musique de fumeur de joint, ce que vous avez amené. Si vous amenez ça, si vous aimez ça, demain, je vous amène un truc. Et il nous a amené une cassette. Et cette cassette a changé littéralement ma vie. Et sur la face A, c'était Mécanique Destructive Commando de Magma. On en parlera plus tard, ils sont dans la liste. Et la face B, c'était Discipline de King Crimson. Voilà. Et là, ça m'a ouvert. Enfin, moi et à Stéphane, ça nous a ouvert tout un pan. Parce que quand tu écoutes Magma, tu as envie d'écouter Stravinsky. Quand tu écoutes King Crimson, tu as envie d'écouter tout ce qui est rock progressif de l'époque. Et voilà. C'est moi aussi une cassette audio qui m'a amené à découvrir non pas Nurse With Wound, mais des groupes majeurs, d'ailleurs cités par Nurse With Wound dans leur liste. Et voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Et puis on va reprolonger le voyage. Donc je disais, il y avait des groupes vraiment majeurs ou des découvertes assez impressionnantes comme celles qu'on fait ce soir avec Iskra, La Verster notamment ou L'Infonie. Et il y a des choses un petit peu moins intéressantes à mon goût. Et on va se diriger vers ça parce qu'on a décidé de parler de tous les groupes, y compris quand on n'aimait pas trop. C'est le cas de ce Highland, qui est un groupe suisse. Pas grand chose à raconter sur ce groupe là, il y a pas vraiment de bio. J'ai beau chercher sur internet, j'ai pas trouvé la petite anecdote croustillante ou le petit truc qui pourrait donner un petit peu d'intérêt à la biographie de ces musiciens là. Non, je peux juste vous les citer. C'est le groupe de Benjamin Jäger, qui est chanteur et percussionniste. Benjamin Jäger, pour la toute petite histoire, mais qui n'est pas forcément intéressante. On l'a retrouvé précédemment dans un groupe où il y avait les anciens membres de Brain Ticket. Brain Ticket, dont on a parlé à la lettre B. On était sur du krautrock allemand, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, il est entouré dans cet album de Peter Scherer au clavier, René Fisch au saxophone, flûte, clarinette, triangle et voix. Et Jörg Meyer est à la percussion, batterie et gong. Voilà, pour la musique, on est en 1977 et on est vraiment dans une musique sous influence de tout ce qui pouvait se faire en rock progressif. En 1977, c'est vraiment la toute puissance du rock progressif. C'est plus du tout une musique qui s'écoute comme ça dans les caves où on se refile des disques de la main à la main. C'est des centaines de parutions, c'est des albums, c'est des concerts de Pink Floyd par exemple dans des stades, ou de Yes ou d'autres groupes comme ça. C'est vraiment le son tout puissant, le son mainstream, hein, si j'ose dire, vraiment à l'époque. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce Highland. Du coup, si vous êtes fan de Gentle Giant, de Genesis ou de Van der Graaf Generator ou même de Magma, eh ben, je vous recommande d'écouter Genesis, Van der Graaf Generator, Magma et les groupes en question, parce que c'est pas chez Highland que vous allez trouver vraiment quelque chose d'extrêmement original. Je trouve qu'on est vraiment pas dans de la redite non plus, mais dans des univers qu'on connaît. La voix du chanteur est intéressante, mais c'est pas non plus aussi bien que celle de Peter Gabriel du temps des premiers de Genesis, et son intonation et surtout cette façon de scander à moitié les paroles. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus poli. Moi, je suis très fan de Gentle Giant. Quand on écoute cet album-là, il n'y a rien à dire. Effectivement, on entend du Gentle Giant, mais ça donne juste envie d'écouter du vrai Gentle Giant. C'est quand même... Il n'y a rien qui vraiment va surélever la machine au-delà de l'original. Ce qui est intéressant dans cet album, c'est sa pochette, c'est une pochette de Giger, le graphiste suisse d'ailleurs, de Gruyère si je ne dis pas de bêtises, et qui est connu notamment pour avoir designé Alien, le personnage Alien. Il y a d'autres albums avec la pochette de Giger, il y a un album de Magma, Attack, qui est une petite merveille d'ailleurs, il y a un album de Emerson, Lake & Palmer, si je ne dis pas de conneries aussi, dont la pochette est de Giger. Bon voilà, c'est pas les seuls à avoir fait appel à lui. Alors, il n'y a pas à dire, la pochette elle pète. Sinon, l'album en soi est pas vraiment intéressant. Moi, j'ai un petit problème avec la voix du chanteur. C'est pourquoi j'ai décidé de vous faire plutôt écouter deux titres instrumentaux qui sont, à mon sens, ce qu'il y a de mieux dans l'album, à savoir le morceau 1 qui s'appelle Intro et le morceau 2 qui s'appelle Zéro. Donc, c'est parti. On est en 1977. Je n'ai pas précisé, l'album s'appelle Pictures et c'est l'unique album de Highland. Allez, c'est parti. Thank you. Voilà, c'était Island à l'instant, donc on a écouté intro et zéro. Et là, vous allez me dire, ouais, mais t'es dur, c'était quand même pas mal du tout, cette musique. Ça va, s'y passe des choses intéressantes. Certes, oui, mais dites-vous que c'est vraiment des choses intéressantes. C'est à peu près le top qu'on pourra attendre de cet album-là. Les morceaux suivants, à mon sens, sont assez indigestes, sont très longs d'ailleurs, et vraiment peu intéressants. Et donc, vraiment, moi, quand je vous dis que je recommande particulièrement un album, c'est pas une formule de politesse. Là, je recommande pas particulièrement cet album-là, sauf si vous êtes vraiment fan du son progressif de l'époque et que vous avez envie d'écouter Van der Graaf Generator ou Genesis, mais dans une autre bouche et la musique jouée par d'autres mains, bah, vous pouvez éventuellement y jeter une oreille, mais pas plus que ça. Nico, t'en penses quoi, toi, de Styland ? Bah, de cette formation-là, c'est un peu... Je ne connaissais pas bien, mais ce qui m'a quand même un peu surpris, c'est que Peter Shearer était membre de cette formation-là et que Peter Shearer, c'est quand même un musicien qu'on connaît peut-être bien des albums qui ont été enregistrés pour Cram Disc à Bruxelles. Il était, par exemple, enregistré un super album ensemble avec Arthur Lindsay sur la série de Made to Measure. Donc, ce que je viens d'entendre, c'est pas mal, mais c'est pas directement mon truc que je vais réécouter chaque jour. Eh ben, une collaboration avec Arthur Lindsay, en plus un album Made to Measure, ça donne envie. Je vais essayer d'y jeter une oreille et je te laisse la main. Oui, donc maintenant on va y aller vers l'Allemagne parce que là il y était quand même une formation qui est un peu le groupe clé dans l'histoire de Kraftwerk. Enfin, on parle de Iblis, qui comprenait des membres de l'organisation pré-Kraftwerk. Kraftwerk, c'est aussi une formation qui était dans la liste Nursery et qu'on va découvrir dans un ou deux émissions plus suivantes, parce qu'ils sont dans le cas, donc pourquoi pas. Et donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui. Donc, il se comprenait des membres de l'organisation pré-Kraftwerk et Andreas Hohmann, le batteur original de Kraftwerk. Il jouait une fusion krautrock lourde et tripant en mettant l'accent sur les percussions. Leur seul album porte l'empreinte indéniable du producteur et ingénieur Connie Plank, qu'on a déjà entendu parler de lui quelques fois, parce qu'il est quand même l'ingénieur du son sur plusieurs albums dans la liste Nurse with Wound. Et je pense que c'est mieux d'écouter la musique, parce que la percussion, la batterie joue un rôle important. Et ils ont sorti un seul album en 72 sur le label Spiegel Eye, et que l'album s'appelle Supernova, et on va écouter un des quatre morceaux qui se trouvent sur l'album, et le morceau qu'on va écouter s'appelle Drops. Thank you. Et donc, on vient d'entendre le morceau Drops de groupe Iblis, qui était quand même fort lié avec Kraftwerk, qu'on vient de dire, et qu'ils ont sorti en 72 un seul album. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, l'album, le morceau qu'on vient d'entendre, elle est aussi un peu. Je pense qu'ils ont donné beaucoup des idées à Northwest Wound, mais l'album va dans toutes les directions différentes, et ça, c'est ce qu'on va faire avec le morceau suivant, qui s'appelle Marga, de même album, aussi sorti en 72, et le titre de l'album s'appelle Supernova. We'll be right back. Magnifique, magnifique ce groupe Iblis. Jamais entendu parler avant. Waouh. Ouais, tout l'album est de cette couleur-là. Absolument. C'est vraiment. Il y a que 4 morceaux, mais ils sont fantastiques. Et absolument. Ben, hyper content. Merci beaucoup. T'as quelque chose à rajouter sur ce groupe? Non. C'est justement écouter et voilà. Peut-être fumer quelque chose? Eh ben, essayez. J'essaierai. Est-ce que t'es chaud pour un dernier pour la route ou pas? Pour? Est-ce que t'es chaud pour un petit dernier pour la route? Ah! Glisser subtilement la lettre J. Ouais, on peut faire ce que tu veux, ouais. Parce que là, on va y aller dans un domaine complètement différent. Je pense qu'on va vers le Croatie, c'est ça, hein? Ouais, je pense aussi. Et on quitte la lettre I, on a fait les 5 groupes de la lettre I, on passe à la lettre J, voilà. Et donc là, il y a, dans la lettre J, il n'y a que 2 groupes qui sont cités, et un des 2, c'était Morten Davoren Jagodik. Quel nom. C'est quelqu'un qui a vite déménagé de Croatie vers la France, je pense, hein, et qui était inspiré de musique, dans le GRM à France, à Paris, la musique électroacoustique, toutes les choses comme ça. Et il a sorti un seul album. C'est vraiment un musicien incroyable. Je pense qu'il a... Il a créé durant 40, 45 ans, peut-être 50 ans, de la musique. Il était décédé en 2020. Donc, c'est maintenant 1 an et demi, 2 ans qu'il était décédé. Et il a qu'un seul album qui était sorti. Il était plutôt créé de la musique pour des films. Je pense aussi pour le théâtre, mais là, je ne suis pas sûr. Et il a aussi travaillé ensemble avec John Cage, donc le grand monsieur new-yorkais de musique qui a aussi pas uniquement été compositeur, mais qui était aussi quelqu'un qui réfléchit comment écouter de la musique d'une autre manière, on va dire. Et donc, on a justement qui a sorti un album et dans cet album-là, il n'y a que 2 morceaux, face A et face B. Et ouais, je pense que c'est un album qui a aussi fort inspiré Stephen Stapleton de North Street Wound, parce que plein de choses qu'on entend dans cet album-là rassemblent un peu de musique de North Street Wound. Donc, et comme ce n'était pas tellement prévu, j'ai perdu le titre de morceau. Tempo Furioso Lato A. Ouais, parce que donc il y a Lato A et c'est la face B ou vice versa, je ne sais pas comment c'est. Lato A qui est la face B, ouais, c'est ce qu'il y a écrit en tout cas. Voilà, donc on va écouter ce morceau de 20 minutes pour clôturer l'émission d'aujourd'hui, je pense. Hein. Eh ben ouais, c'est chouette ça. Ouais, bah, écoute, on avait parlé de Luc Ferrari aussi, notamment dans les chercheurs électroacousticiens, et on n'entend pas assez, ça fait plaisir. Eh ben, on s'écoute ça de suite. Musik, 41, Zusatzzahl 29. Ich wiederhole 12, 22, 26, 27, 40, 71, Zusatzzahl 29. Die Olympiagewinnzahl lautet 8, 1, 8, 7. 8, 1, 8, 7. Diese Durchsagen sind nunmehr gesetzt. Soweit die Nachrichten, es war 23.06. 4, 2, 3, 4. 23.10 Uhr, das war die Sportinformation. Passengers, fly 5037, immediate boarding gate 22. 40, 41, Zusatzzahl 29. Die Olympiagewinnzahl lautet 8187. Diese Durchsagen sind ohne Gewähr. Soweit die Nachrichten. Es war 23 Uhr. 23:10 das war die Sportinformation. Was meine Sprache bedeuten, die Grenzen meiner Welt. Diese überhaupt in Ordnung ist eine, wir wünschen, bitte, ist es und die Gegend für die Gnade über uns. Martin Davorin, Jagodic, Tempo Furioso Lato A, qui est donc la face B de son unique album. C'est ce que tu nous racontais, Nico. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Eh ben, écoute, ma foi, c'est super de finir comme ça. Ça fait vraiment plaisir. Très belle pièce. C'est très surprenant. Il y a des petits passages de musique de variété qui passent dans un petit poste de radio, j'imagine, là, qui vient se mêler à tout ce travail de captation, quoi. Ce qu'on appelle des landscapes, quoi, des paysages sonores faits à partir de petites captations, j'imagine. Ouais, je pense. Il utilisait aussi déjà le field recording, parce que ça, c'est un truc qui était assez important dans ce type de musique, de faire. Et je pense qu'ils sont super bien captés, tu vois, tous les sons qu'on entend dans la rue, je sais pas quoi, qui sont super bien faits. Ouais, carrément, ouais. Puis ça rappelle vraiment, effectivement, tu le disais tout à l'heure, ça rappelle vraiment ce qu'on a pu entendre de John Cage quand on a parlé de la lettre C, voire de Luc Ferrari plus tard, mais ouais, c'est vraiment une espèce de reportage sonore, quoi, quelque part, une captation d'instant. Oui, et c'est aussi, c'est sur le label Cramp Records. Ici, quand on regarde ton Cramp Records, c'est un label assez fascinant en Italie, et spécialement dans les années 74-75, où il y a des enregistrements de Walter McCarthy, Robert Ashley, John Cage, tout des trucs comme ça. Donc, je pense que c'est aussi un label à découvrir un peu dans toutes ces choses-là. Et ils ont Area aussi. Area a sorti tous ses albums dans ce label-là. Et ouais, on en a parlé à plusieurs reprises de ce label, effectivement, pour les musiciens que tu viens de citer. Il y a aussi un Italien dont le nom m'échappe, qui faisait partie d'Area, qui a sorti un album solo bien, bien complexe, pareil, sur ce label-là. Et je te rejoins, ouais. C'est vraiment un label à creuser. Ouais, donc c'est un label fascinant, jusqu'à 80, parce que là, ils ont arrêté. Et il y a, durant l'émission, tu as cité une ou deux fois le nom Peter Gabriel, et oui, il y a aussi un album où il était impliqué dans cette label-là. Ah, ça ouais. Me fait quand même un peu rire, mais... Et il est bien, au moins? J'ai pas entendu, je viens justement de le voir maintenant, je suis occupé de regarder un peu tous les albums qui étaient là, et en 74-75, ils ont sorti vraiment 30 albums par an, un truc comme ça, donc c'est vraiment, vraiment fascinant. Et ouais, il y a en 80-81 qu'il y a Peter Gabriel qui a été aussi. Ah oui, il y a aussi un groupe avec Gruppo d'improvisazione Nuovo Consonava, fantastique. C'était avec, entre autres, le fameux Ennio Morricone qui jouait. Donc, fantastique. Ça, c'est un album que j'aime absolument. Ok, bah, faut vraiment creuser ce label. Ce label crac, ouais, carrément. Du reste, déjà, rien que les albums d'Area, ça vaut le déplacement. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Voilà. Toi aussi, on est à la fin de l'émission, je pense. Eh ouais, on entend derrière nous. Pourquoi ils sont couchés à cette heure-là, les petits-enfants. Pensez-vous, mon monsieur, les petits-enfants. On va les réveiller. Hein. C'est clair qu'on va les réveiller. Il faut qu'ils écoutent ce type de musique, les petits-enfants. Ainsi, plus tard, peut-être que eux-mêmes composeront des musiques que d'aucuns mettront dans des listes et la boucle sera bouclée. Ce soir, donc, c'était la 23e étape de cette tentative d'exploration radiophonique de la North West Wunderlist. Et il est temps de faire l'interminable récapitulatif de fin d'émission. Et cette émission, c'est moi qui ai commencé avec la découverte donc de l'Infonie. Infonie, donc à la lettre I-I-N-F-O-N-I-E, ce grand ensemble surréaliste dada québécois. On a écouté donc tiré de l'album volume 3, l'ode à l'affaire, l'ouverture de l'album, puis l'affaire à proprement parler. On a ouvert l'émission avec Viens danser le OK là, OK là, et on a fini avec ce magnifique titre très psyché rock dans l'esprit, J'ai perdu 15 cents dans le nez froid d'un ange bronzé. On n'a pas écouté d'extrait de l'album volume 33, le deuxième d'Infonie. On est passé directement au troisième, volume 333. Et on a écouté la première section, enfin la section de 1 à 17 de la grande pièce P, qui est tout l'album, tout le disque 1 de ce double album de l'Infonie, qui ensuite en sortira un dernier qui sera à peu près le même, sans la poésie, et ensuite fini pour l'infonie. Et ensuite, on a enchaîné avec Iskra, avec quatre morceaux qui venaient de l'album Allersmanrat, qui était sorti en 77 sur le label Et Min For Live. Ouais, c'était des noms imprononçables, ça vient de la Suède. Et les quatre morceaux que nous avons entendus, ça s'appelait Der Einsame Cyclisten, Wettkraft, Grand Simon Finin et En Sil, Il Vaudrait. Si je le prononce bien. À mon tour de galérer avec la Suède, puisqu'on est resté en Suède avec l'international Averster et l'album Soft Got Rosemary, leur unique album. On a écouté 5 titres d'affilée qui étaient soit courts, soit longs. Alors, on a écouté Statsministern, le Premier ministre. Ensuite, Ho Chi Minh, It's Only Love, doum, doum. Klokan Armiket Nu, et on a fini avec Ut Til Venster, Out to the Left. Et on a enchaîné avec la musique de Nursery Wounds même, parce qu'on a déjà passé beaucoup des groupes et des choses comme ça, mais très peu de la musique de Nursery Wounds. Et on a pris un morceau qui était aussi un morceau très court, parce qu'en général, il y a des morceaux de Nursery Wounds qui sont 15-20 minutes. Ici, c'est un morceau de 5 minutes. Mais le titre était aussi fantastique. C'est Phenomenon of Aquarium and Bearded de l'album Lady Killenskult Geir Stamm and I at Redsburg, qui était sorti en 83 sur le label Leila Anti Records. Ensuite, on est passé en Suisse avec le groupe Island, qui aura eu le mérite d'avoir une belle pochette designée par Giger. L'album s'appelle Pictures, il est sorti en 1977. On a écouté le titre 1, intro, suivi du titre 2, 0. Et de 0, on va à un morceau beaucoup plus inspirant, on va dire. C'est le groupe Iblis qu'on a entendu deux morceaux qui venaient de l'album Supernova qui était sorti en 72 sous le label Spiegel Eye. Et le morceau que nous avons entendu, c'était Drops et c'était enchaîné avec Marga. Et ensuite, c'était toujours toi. Oui, on a clôturé l'émission avec Martin Davorin Jarkodik. Ah, maya, maya, maya, quel nom! Et le morceau s'appelait Tempo Furioso Lato A, entre parenthèses B. Et ça venait de l'album Tempo Furioso qui était sorti en 75 sur le label Crumbs Records. Et ben voilà, magnifique, la boucle est bouclée. Amis auditeurs, amis auditrices, on se retrouve pas jeudi prochain, on se retrouve probablement jeudi d'après. Cette émission sera disponible en podcast le plus vite. Et puis, merci à toutes et à tous. Et des belles aventures nous attendent parce que là, du coup, il nous reste quoi ? Un groupe avec la lettre J, ensuite on passe à la lettre K. Ouais. Qui est ma foi très riche. Je pense aussi la lettre K, waouh, il y a des chouettes trucs, hein. J'ai jeté un petit œil là, il y a de quoi se régaler, il y a de quoi vous régaler, amis auditeurs, amis auditrices. Merci beaucoup d'être à l'antenne de Radio Radio. Si vous voulez continuer à explorer des beaux sons, restez sur l'antenne de Radio Radio. Justement, vers minuit et quelques, vers minuit 2, il va y avoir Area, tiens, on en parlait. René Lucier, Métallophone, Rational Dit, Sister Yodine, ou Make a Rising, Jules Verne, Jean-Louis, Orion Rigel, il y a de les Residents aussi. C'est hyper riche. Ouais. Pendant une heure, il y aura de la très très bonne musique sur Radio Radio, même si on n'est plus à l'antenne. Ah, c'est magique, cette radio est magique. À bientôt, camarades, merci pour tout. À la prochaine fois, Manu. À bientôt à toutes et à tous.